OK, on fait un sondage à main levée, là. Qui a souri hier quand on a su que Gabriel Nadeau-Dubois allait faire des travaux communautaires? 120 heures. Sais-tu comment je me sens? Je me sens comme quand le Canadien se fait torcher 9 à 1. C'est de même, je me sens. J'ai comme un sourire. Je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher d'être content. Et bravo! Bravo au juge Denis Jacques qui, depuis le début des procédures, a décidé de prendre au sérieux la cause de Gabriel Nadeau-Dubois puis qui est pas embarqué dans le pleurnichage idéologique de Gabriel Nadeau-Dubois devant les tribunaux. Hier, là, il a donné une bonne rince. En le condamnant à 120 heures de travaux communautaires sur 6 mois, il lui a dit « Le défenseur a banalisé devant des jeunes sur qui il exerce un fort ascendant le devoir de chaque citoyen de respecter les ordonnances du tribunal. » Il dit, dans le fond, que le fait que Gabriel Nadeau-Dubois soit un leader étudiant, c'est un facteur aggravant. Contrairement à ce que GND a essayé de plaider, de nous faire croire, le fait d'être leader étudiant, comme lui l'a été, c'est plus grave encore, oui, ce qu'il a commis comme geste. Ça pouvait pas finir autrement. Je me suis retrouvé dans des histoires au palais de justice où on nous a cassé les oreilles avec ça, que le fait que t'ailles une portée, le fait que t'ailles des gens qui t'écoutent, ça aggrave la situation quand tu dis des niaiseries. Exact. Hey, Éric Duhaime, bon matin! Éric? Oh, on semble avoir un petit peu. Je vais essayer quelque chose. Non, il y a. On n'est pas capable de rejoindre Éric. Non, mais je l'entends, là, mais okay. Lui ne nous entend pas vraisemblablement. Peut-être aller vérifier moi, ça ou encore le faire appeler. Là. Moi, je l'entends pas, là. Ben, j'entendais sa radio il y a 2 secondes. OK. Bref, en attendant, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est une histoire, vous connaissez l'histoire, là. C'est outrage au tribunal concernant des propos qu'il a tenus sur les ondes de RDI. Et lui continue à dire qu'il est pas coupable. Ouais. Continue à dire ça, lui, actuellement. Il porte la cause en appel. Ouais, il s'est prononcé sur sa page Facebook. Comme, un peu comme un enfant roi, là. Ça va être au téléphone? Ça va être au téléphone. Ça a l'air que ça va être au téléphone avec Éric. Okay. Mais il, comme un enfant, comme un ado, là, qui veut rien comprendre. Bon, ma sentence est sortie. 120 heures de travaux communautaires. Quoi qu'il en soit, je porterai appel de la condamnation en elle-même. La bataille sera longue, mais je suis déterminé à démontrer mon innocence. Étant donné que des travaux communautaires ici, ça peut pas être le terre-plein de l'autoroute 20 avec une pioche d'un main pis un saut de jaune-orange à chanter « I'm a man of constant sorrow ». Ce que je souhaite à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il côtoie la vraie misère qu'il n'a jamais vue. C'est un peu ça que le juge lui a dit hier. Hein. Le juge souhaite que ça soit fait auprès des gens qui sont dans le besoin. Ouais. Tu sais, on a déjà vu ça, là, des histoires de brassage de sauce à spaghetti dans des soupes populaires. Attendez-vous à ce genre de travaux communautaires-là pour Gabriel Nadeau-Dubois. Peut-être faire un peu de ménage à l'Aubrivière, servir des repas à l'Aubrivière. Allez contacter un peu côtoyer un peu la vraie pauvreté. La réalité, la en vraie fait. Misère. C'est ça que je veux qu'il voie, moi, la réalité à un moment j'espère donné, juste, la vraie vie. Là, tu es-tu capable de comprendre? C'est ça que je sais pas. Est-ce qu'il est capable de se réhabiliter? Quelles sont les chances de réhabilitation de Gabriel Nadeau-Dubois, par contre? C'est ça qui est un peu mystère. Rejoindre Éric Duhaime. Éric! Bon matin, oui, Denis. Oui, oui. Hey, là, je commençais à être nerveux, je commençais à être inquiète. Là. J'ai dit, là, faut qu'ils m'entendent, faut réussir à se parler à matin. Il y a trop de bons sujets, là. Ah, écoute, les sujets débordent. L'actualité est très, très généreuse cette saison-ci. Je vais t'avouer qu'on ne sait plus où donner de la tête quand on commente l'actualité. On est chanceux. Mais je pense que l'affaire qui nous a retenu un peu l'attention de ces dernières heures, c'est sûr que sa condamnation, si j'ai bien compris, de 120 heures de travaux communautaires pour Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. L'enfant roi, l'ancien leader de la classe, qui est aujourd'hui au service de la CSN, ou en tout cas, il l'a toujours été, mais maintenant, il est directement sur le payroll. Il passe plus par... il a pas sous-contracté ça à une association étudiante. Et donc, effectivement, hier, le juge a rendu une décision qui est assez importante. Il a donné 120 heures de travaux communautaires. Bon, c'est pas la peine de prison. Il pourra pas jouer la victime, s'en aller dans le fond d'un cachot, puis pleurer, puis avoir tous les étudiants avec le casserole qui hurlent dehors. Puis, c'est-tu quoi aussi, Éric? Il pourra pas faire ses travaux par quelqu'un d'autre de la CSN non plus, hein? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Ça avait été une amende. La CSN aurait passé l'éponge, puis c'est sûr que c'est la CSN, puis c'est les travailleurs qui nous écoutent, qui sont obligés de payer des cotisations syndicales, qui se seraient ramassés à payer sa peine. Mais bon, étant donné qu'on le sait, c'est un enfant roi, Gabriel Nadeau-Dubois, il accepte rien de ce qui fait pas son affaire, donc il va continuer à aller en appel, puis il n'est pas question pour lui de faire des travaux communautaires. Je suis très surpris personnellement. J'aurais pensé, comme je vous l'avais déjà dit, que pour lui, des travaux communautaires, c'était une récompense et non pas une sentence, parce que on sait que son esprit gauchiste, tu sais, du monde payé à rien faire, puis tout le monde égal, puis tout le monde généreux, puis qu'on donne aux autres, ça devrait faire partie de sa philosophie politique. Mais ce qui est décevant, c'est que pour lui, comme pour plusieurs autres gauchistes, ça s'applique à tout le monde et aux autres, sauf à lui-même. Et là, il est encore en train aujourd'hui d'en faire la démonstration. Hier, il a refusé de commenter la cause, mais il a quand même écrit sur son compte Twitter, ou son Facebook, pour dire que la bataille sera longue, mais qu'il est déterminé à démontrer son innocence. Il est égal à lui-même. T'sais, c'est un adolescent attardé. Il est égal à lui-même. Est-ce qu'il est réhabilitable, d'après toi? Ben non, je pense pas. Écoute, là, il y a pas, à moins qu'il voit la lumière, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'il lui arrive. J'imagine tout le monde est réhabilitable. Payer quelque chose. À un certain niveau, mais il est pas, garde. Écoute, il fait tout le contraire d'un gars qui démontre la bonne foi. Puis d'ailleurs, c'était le juge en a tenu compte dans la sentence qu'il lui a donnée. Hein. Il parle de facteurs aggravants dans sa décision, le juge Jacques. Il dit que les propos étaient pas un accident et que c'était pas quelque chose qui avait dépassé sa pensée. Il a aussi rappelé que Gabriel Nadeau-Dubois, non seulement il se battait contre Jean-François Maurras dans cette cause-là, mais il a aussi rappelé comment il avait traité Laurent Proulx, hein, un autre étudiant qui avait obtenu une injonction. On se rappelle qu'il l'avait traité de petit con. Puis il avait dit, puis là je vais vous citer la phrase parce que ça démontre vraiment jusqu'où il est prêt à aller. On a raison de bloquer l'entrée de nos cégeps et de bloquer l'entrée de nos universités. On a raison de ne pas se laisser impressionner par les injonctions d'un petit con qui a perdu son débat en Assemblée générale et qui a des parents assez riches pour se payer un avocat. Donc, on a raison parce qu'on a raison. Puis si t'es pas d'accord puis que tu veux faire appliquer tes droits, ferme donc ta gueule. T'es un con, pis t'es un gars t'es un gosse de riche. Pourtant, on sait que Gabriel Nadeau-Dubois vient quand même pas d'une famille laborieuse. On sait que c'est quelqu'un qui est allé dans le secteur privé pour faire faire son éducation. On sait que lui, il avait une banque, une cagnotte de 85 000 $ pour payer ses avocats, que ce n'est pas lui qui paye. Ah oui, fait que parce qu'il y avait des carrés rouges qui ont ramassé de l'argent, puis surtout des syndicats qui ont mis l'épaule à la roue et qui ont payé ses frais d'avocat. Ces petits bourgeois-là, souvent, sont les pires gauchistes aussi, Éric. C'est ça qui est arrivé. Et alors que, tu sais, l'autre bar, là, moi, je me souviens que Laurent Proulx, quand il a fait son injonction, là, premièrement, c'était pas vrai qu'il y avait un avocat, c'était lui qui était étudiant en droit, qui a lui-même, qui a monté ses affaires, et son 300 piastres que ça lui a coûté de frais, il l'a payé. J'ai même organisé un moment donné une activité du RLQ pour essayer d'y rembourser, puis il voulait pas. Donc, c'est assez particulier de voir comment ces gens-là accusent les autres de choses dont ils sont eux-mêmes coupables, et alors que tout ce que les gens en face d'eux veulent, c'est de faire respecter leurs droits et libertés. Éric, cette sentence là, puis tout ce qui s'est passé au niveau judiciaire depuis le printemps, est-ce que tu as l'impression que ça va changer ce que vont être les prochaines manifestations étudiantes, parce qu'il va en avoir d'autres, là. Mais tu sais, le travail que Maurras a fait, le travail que Laurent Proulx a fait, le résultat de ces sentences-là, si en appel, ça ne change pas. D'après toi, c'est-tu assez fort comme message pour changer la façon de se comporter des leaders d'associations étudiantes? Ben, je pense pas que les leaders de l'association étudiante vont nécessairement changer, parce que les syndicats, ça va être les mêmes manipulateurs qui vont être en arrière, puis eux autres, ils ont beau vieillir, ils restent là, puis ils sortent pas des cégeps et des universités, ils continuent à contaminer l'esprit des jeunes leaders syndicalistes. Mais ce qui va changer, je pense, c'est surtout l'attitude des étudiants en général. Ils savent maintenant qu'ils ont des droits. Ils savent maintenant que ces gens-là ne peuvent pas tout faire, qu'ils n'ont pas le droit de leur bloquer des portes pour aller à leurs cours, que ces gens-là payent pour avoir accès à des cours et qu'ils ont le droit d'avoir accès à ces cours-là. Donc, je pense que c'est beaucoup l'attitude des étudiants qui va changer, pas l'attitude des leaders syndicalistes étudiants. À la prochaine conflit étudiant, là, les associations étudiantes ont perdu le monopole de pouvoir tout casser, puis tout bloquer, puis tout faire à leur tête. Et ça, c'est un excellent précédent. La prochaine fois, vous pouvez être sûr que les injonctions, ça arrivera pas en fin de conflit. Ça va être le jour 1. Puis les directions d'établissements scolaires aussi, de cégep puis d'université, vont savoir qu'ils ne peuvent pas respecter une gang de manifestants qui essaient de bloquer les portes et qui sont obligés d'offrir les cours, sont obligés d'essayer d'aider leurs étudiants qui veulent assister à leurs cours. Donc, oui, ça va changer quelque chose à long terme, mais c'est surtout pas à cause des leaders étudiants. Yeah, no. 11, Jean-François Maurras, donc, qui était l'instigateur de toute cette histoire-là, un simple étudiant qui voulait faire valoir ses droits, puis qui disait, moi, j'ai le droit de recevoir mon cours, puis j'aimerais ça le recevoir, malgré les niaiseries qui se passent autour. Mm-hmm. Et il avait été intimidé. à partir des déclarations de quelqu'un qui se pense vraiment très intelligent, plus intelligent que deux animateurs de radio en jogging, ce qui m'avait fait pogner les nerfs à l'époque. Il a bien essayé de nous faire, réprimander, là, moi, ça n'a pas marché. Un smart qui joue au fin finot avec moi, là, c'est bien de valeur, là, mais... C'est-tu quoi l'entrevue qu'on a fait le 1er mars dernier avec toi? Je me souviens de la date comme si c'était hier, là. 1er mars 2012. C'est un peu dans la même veine, hein, parce que lui... Cette entrevue-là, qui nous a mérité quelques remontrances de la part d'un organisme dont je ne reconnais même pas la crédibilité, mais moi, je vais vous dire une chose, cette entrevue-là, de la première syllabe jusqu'à la dernière syllabe, je vais la défendre jusqu'à ma mort. Quand est-ce qu'on s'était mis à pogner les nerfs? C'est quand il avait commencé à parler de pas respecter les règlements municipaux à Québec. Aucun, ce gars-là n'a aucun respect pour l'autorité. Aucun respect pour l'autorité, pour on vit dans une société où on s'est dicté des règles, des règlements, des façons de faire, puis quand tu penses que t'as une bonne cause, ben là, on sac tout ça au vidange, puis on regarde ton petit nombril à ta peu, là. C'est pas de même que ça. C'est un gars qui chie sur la démocratie. Gabriel Nadeau-Dubois chie, défecte sur la démocratie depuis des mois et des mois, et ça continue avec sa réaction, la réaction qu'il a eue. Il aura donc des travaux communautaires. Il a été reconnu coupable. On ne commencera pas à célébrer, là, mais levez la main, là, ceux qui ont un petit sourire hier en regardant les nouvelles. Je me sens comme quand le Canadien perd 9-1. C'est un peu de même, je me sens. 9h13. Le show du matin avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Radio-Canada.